Bonjour et bienvenue dans l'enquête de l'Avent de Marcel. Pensez à bien suivre les épisodes dans l'ordre et depuis le début pour profiter pleinement de cette aventure. Je vous laisse tout de suite découvrir ce que cache la troisième case de ce calendrier de l'Avent un peu spécial. Bonne écoute! Aujourd'hui, et comme tous les matins, Auguste et Léon profitèrent des premières minutes de la journée pour discuter discrètement dans leur lit. C'est leur petit rituel du matin, ils l'adorent et n'en changeraient pour rien au monde. Léon, tu dors? Non, et toi? À ton avis, si je te pose la question, gros malin? Bah franchement, c'est difficile de répondre, ça ne serait pas la première fois que tu racontes ta vie en dormant, tu sais. Oui, oh, hé, j'en connais un autre qui chante bien dans son sommeil, alors hein. Les deux frères éclatèrent de rire, puis débutèrent ce qu'ils appelaient le blabla des rêves. Chacun faisait le récit de ce dont il avait rêvé pour le plus grand plaisir de l'autre. Au début, il racontait toujours ce dont il se souvenait réellement, puis lentement, il glissait ça et là des petits détails qu'ils inventaient pour rendre leurs histoires tantôt plus effrayantes, tantôt plus héroïques, tantôt plus amusantes. Les petits détails se transformaient en gros détails et les histoires devenaient plus incroyables les unes que les autres. Cela les faisait toujours beaucoup rire et leur faisait oublier d'être discrets. Les garçons, je vous entends! Puisque vous êtes réveillés, descendez! Le petit déjeuner est prêt! Léon fut le premier à toucher l'interrupteur et à ouvrir la porte de la chambre. Il faisait toujours la course pour tenter d'être le premier à faire tout cela et à rejoindre le salon. Et ils y mettaient encore plus d'entrain depuis que le calendrier de l'Avent y était accroché. Léon arriva le premier sous la guirlande de chaussettes et fut bien surpris de voir qu'Auguste ne l'avait pas suivi. Il retourna le voir dans la chambre. Gus, qu'est-ce que tu fais ? Auguste était debout et fixait le pied de son lit. Tu t'es relevé dans la nuit, Léon ? Bien sûr que non, pourquoi faire ? Et à quel moment as-tu fait l'échange alors ? Mais quel échange ? Léon, hier tu m'as fait une blague en posant ce truc au pied de mon lit. Et ce matin je me réveille et tu as mis ce machin à la place et je n'ai rien vu, rien entendu. T'es un magicien, ma parole. Oh, Gus, arrête avec ta blague, c'était marrant hier soir. Là tu as profité de mon absence pour faire ça, haha, très drôle. Est-ce qu'on peut maintenant aller dévorer les chocolats de notre chaussette du jour? Allez, viens vite, sinon je vais tout manger. Oh non, attends-moi, Léon! Persuadés tous les deux de se faire mener en bateau par l'autre, Auguste et Léon ne se posèrent pas davantage de questions quant à ces drôles d'apparitions dans leur chambre. Ils avalèrent rapidement leur petit déjeuner et partirent joyeusement à l'école. Auguste aimait bien le jeudi parce que c'était le jour où le monsieur qui leur parlait en anglais venait. Il trouvait ça super chouette. Et ce jour-là, en plus, ils allaient apprendre des chants de Noël. Il avait trop hâte. Léon, quant à lui, savait que c'était la matinée pendant laquelle sa classe et lui se rendaient à la médiathèque. Et Léon adore les livres. Et encore plus les livres de la médiathèque. Car selon lui, il possède deux histoires. Celle qui est écrite avec des mots sur leur page et celle qui est invisible mais qu'on devine. L'histoire du livre qui est passé de maison en maison, de main en main. Et qui fait que, sans qu'ils ne se connaissent, les lecteurs partagent ce petit quelque chose. Comme un petit secret. Léon trouvait cette idée formidable. Bref, comme vous pouvez le constater, nos deux héros passèrent une journée géniale à l'école et étaient à des années-lumière de se préoccuper de ce drôle de phénomène qui venait d'arriver deux jours de suite dans leur chambre. Ce qui n'était pas pour arranger notre affaire, je ne vous le fais pas dire. Peut-être avez-vous de votre côté commencé à voir des indices apparaître dans les illustrations de l'enquête de l'Avent ? N'hésitez pas à me tenir au courant par commentaire sous ce podcast ou sur les réseaux sociaux ou notre site internet. Tous les liens sont en barre d'infos. Courage à tous! Je suis certaine que nous allons élucider ce mystère tous ensemble. Rendez-vous demain, mes petits enquêteurs. En attendant, prenez bien soin de vous. Bien à vous. Votre Marcel.